Le page du roi, par Paul Bocchéry. Chapitre 1er. Le roi Louis XIII acheta, en 1627, la terre de Versailles, au prix de 20 000 écus, et il y fit construire un petit château qui n'était qu'un rendez-vous de chasse. Bassompierre l'appelait alors le chétif château. Jules Mansart et André le Nôtre lui donnèrent depuis un fier démenti. Au printemps de l'année 1662, une grande nouvelle courut dans toutes les villes et toutes les châtellenies du royaume de France. Le roi Louis XIV et sa cour quittaient les résidences de Saint-Germain-en-Laye et de Fontainebleau et allaient s'établir au magnifique château de Versailles. Ce fut là le sujet de toutes les conversations. Bien des barons, bien des marquises, au fond de leur province, soupirèrent de regret, en songeant qu'ils manqueraient aux premières fêtes données dans la nouvelle résidence royale, palais miraculeux, qui leur apparaissait de loin, à travers le brouillard doré des illusions, comme un château de fées dans les nuages prismatiques d'un beau soleil couchant. Le roi et la reine Marie-Thérèse arrivèrent à Versailles dans l'après-midi d'une belle journée de mai, avec leur suite de princes, de dames, de pages et de gardes du corps. Louis XIV prit possession de son château. Il s'y trouvait à l'aise. Sa résidence nouvelle était en harmonie avec sa grandeur royale. Les réceptions n'eurent point lieu ce jour-là. La cour dîna dans les petits appartements, et le cercle devait se tenir chez la reine sans le cérémonial officiel. Le roi parcourut tout le château et le parc, entouré de ses courtisans. Monsieur de Colbert, messieurs Mansart et le Nôtre lui en faisaient les honneurs. Quand le soir fut venu, Louis XIV fit ouvrir un des balcons de la Galerie des Glaces pour jouir, avec sa cour, du beau spectacle du soleil couchant sur le parc et le grand bassin. La résidence royale étincelait de gloire, et le roi heureux, on le voyait, se retournant vers Mansart et le Nôtre, leur dit ces paroles qui, dans sa bouche, étaient un très grand éloge. « Messieurs, cela est beau !» phrase habituelle à Louis XIV dans ses moments d'admiration. À 11 heures du soir, le roi quitta le cercle de la reine, et il se retira dans son appartement, c'est-à-dire dans cette magnifique chambre royale que nous admirons encore, et dont les 3 fenêtres à balcon donnaient sur la cour de marbre. Là, il congédia le premier gentilhomme de service. Il demanda son portefeuille et passa dans le grand cabinet attenant à la chambre à coucher. Saint-Georges, son valet de chambre ordinaire, attendit ses ordres en préparant le coucher. Louis XIV prit divers papiers dans le portefeuille. Il s'assit devant la grande table ronde couverte d'un tapis de velours frangé d'or, et aux lueurs d'un candélabre à 10 bougies, il se mit à lire des dépêches. Toutefois, il recommanda à Saint-Georges d'introduire dans le cabinet un courrier qui l'attendait dans la nuit, lors même, ajouta-t-il, que je serai au lit. Le roi était fatigué. Au bout de 10 minutes, un peu alourdi par la lecture des dépêches diplomatiques, elles ont quelquefois certaines vertus soporifiques, il s'assoupit dans son grand fauteuil et finit par s'endormir. Quelqu'un a dit « Le sommeil des rois est le repos du monde ». Il eût été fâcheux, on en conviendra, pour la gloire et la prospérité de la France, que le roi Louis XIV eût pris l'habitude de trop dormir. Cependant, il n'eût pas été malheureux que ce grand prince eût dormi dans certaines occasions. La philosophie de l'histoire aurait encore bien des choses à nous apprendre sur ce point-là. Mais passons, nous écrivons une simple nouvelle historique. Or, pendant que le roi dormait d'un si bon sommeil en face des dépêches des diverses chancelleries de l'Europe, tout était rentré dans le silence au château de Versailles. Quelques valets seuls erraient encore dans les immenses corridors, et par intervalles, les chevaux des vedettes piaffaient au loin dans les cours. Aux clartés de la lune s'unissaient les lueurs des fanaux. Il en résultait un jour fantastique qui colorait de teintes bizarres les grandes colonnes et les frises dentelées du château royal. Cependant, à l'une des fenêtres ovales, près des combles du toit, parut un moment une clarté furtive, comme une flamme phosphorique qui naît et meurt en un instant. Un jeune homme occupait cette chambre haute, située au-dessus des appartements royaux. Ce jeune homme était le premier page de Sa Majesté. Qu'importe son nom, puisqu'il n'a marqué que d'une manière accidentelle dans l'histoire du grand règne. Le comte Henri de M était âgé de 19 ans, et il était à la veille d'obtenir une compagnie de cavalerie. Le roi l'aimait. Il était si intelligent, si dévoué, ce jeune homme. Il avait si bonne mine à cheval, à la chasse, il était si audacieux. Et puis, monsieur le premier page du roi était un messager d'une discrétion à toute épreuve. Ajoutons, pour l'intelligence de ce récit, que malgré tous les avantages de sa position, Henri de M avait cependant dans le caractère des bizarreries inexplicables aux yeux du monde. Ainsi, par exemple, au bal de la cour, Henri ne dansait qu'avec répugnance, et seulement quand il en recevait l'ordre. Caprice vraiment condamnable, car ce jeune gentilhomme approchait, par sa manière de danser, de la grâce et de la noblesse de Louis XIV. Toutes les femmes s'accordaient à faire son éloge, et de très grandes dames, dit-on, se seraient fait un cas de conscience de le laisser mourir de chagrin à leurs pieds s'il avait voulu s'y jeter. Henri de M avait de la fierté énormément, mais de la tristesse au fond du cœur, beaucoup plus encore. Dans la nuit dont il est question ici, M. le premier page du roi avait pris sans doute la résolution de ne pas se coucher. Il avait aussi à s'occuper d'une dépêche très diplomatique. Seulement, elle était d'un autre genre que celle du portefeuille de Sa Majesté. Cette dépêche avait été écrite de sa main. Après l'avoir relue, Henri fut pris d'un mouvement de désespoir et il l'avait brûlé à la flamme de sa bougie. C'était là sans doute la cause de cette clarté éphémère qui illumina un instant les vitres de cette fenêtre haute donnant sur la cour de marbre et que nous avons aperçue par hasard. M. Henri de M. venait donc, après un profond soupir et dans un accès d'impatience fiévreuse, de brûler ce qu'il avait écrit, c'est-à-dire une déclaration d'amour et des plus passionnés. Hélas, mon Dieu, cette dépêche-là avait même été rédigée sous le souffle ardent de la poésie. L'écrit était en vers. Henri quitta brusquement son habit chamarré de galons d'or, ses aiguillettes, son ceinturon, et tout beauté encore, il se mit à se promener en long et en large dans sa nouvelle chambre de Versailles. Il n'en avait pas même remarqué l'ameublement. Un lit était placé contre le mur du fond. Henri s'en aperçut quand il voulut prier et quand il eut besoin de se jeter à genoux et de cacher son visage. Le pauvre enfant était perdu dans un monde de rêveries ardentes mêlées de larmes, lorsque quelqu'un frappa légèrement à la porte de sa chambre. Le page se releva vivement et ouvrit. Ce fut Saint-Georges, le valet de chambre du roi, qui entra. « Monsieur le comte, dit Saint-Georges, le roi vous demande à l'instant même. »« Vraiment, répondit le page en passant son habit et en accrochant son ceinturon. Sa majesté ne dort pas. » « Sa majesté s'occupe de ses dépêches dans le grand cabinet. »« Ah, pensa Henri, c'est absolument ce que je faisais. »« Allez, monsieur, je vous suis. » Le valet de chambre se retira. Monsieur de M décrocha son épée, il la passa dans son ceinturon, il prit son chapeau galonné, et 5 minutes après, il était sur le seuil de la porte du grand cabinet. « C'est à merveille, » dit Louis XIV qui écrivait une lettre. « Entrez. Vous voilà déjà beauté et prête à partir. » « Vous allez prendre un cheval. Je veux une réponse dans 2 heures et demie. Vous avez assez de temps. Et d'ailleurs, vous montez le mieux du monde. Tenez, voici. » Tout cela avait été dit en pliant la lettre et en y apposant un gros cachet de cire rouge. « À propos, dit le roi, quel cheval montiez-vous donc ce matin en escortant ?»« Sire, répondit le page, un des 6 chevaux que le sultan envoya à votre majesté, un cheval persan ou plutôt circassien. »« Oui, d'une très belle race. » dit le roi, mais c'est un cheval dangereux. Il ne vaut rien pour l'escorte, il n'est pas dressé. Je m'en charge, sire. C'est le cheval le plus vite de l'écurie. Quant à ses défauts, on les réduira. Et c'est vous que le premier écuyer a chargé de cela? Oui, sire, j'ai demandé cette faveur à monsieur le premier écuyer. La faveur de vous casser le cou, pour le service du roi. Mon ami, je n'accepte pas cela. Réservez-vous pour l'ennemi. Mais, sire, c'est le cheval le plus vite et le plus vigoureux. Avec lui, je serai de retour dans 2 heures si le roi m'envoie à Paris. « Vous allez à Saint-Germain, » dit Louis XIV. « Voici la lettre. Remettez-la vous-même, si cela est possible. Dans tous les cas, sachez des nouvelles de celle à qui j'écris. Laissez la lettre et revenez sur le champ. Adieu. Je suis content de vous. » Le page prit la lettre. Il salua et sortit du grand cabinet, suivi de Saint-Georges jusqu'à l'antichambre. Là, Henri, voyant qu'on avait refermé la porte, prit en toute hâte le chemin du petit escalier et remonta chez lui d'un pas furtif et rapide. Arrivé dans sa chambre, il saisit une plume et d'une main fiévreuse, il traça quelques lignes, puis il cacheta sa lettre d'une belle cire rouge. Seulement, cette lettre resta sans adresse. Cela fait avec une rapidité et une énergie incroyables. Mais le premier page du roi mit dans sa poche la lettre royale et la sienne. Il se hâta de se rendre aux petites écuries où il demanda un cheval pour le service de Sa Majesté. Les piqueurs virent avec surprise qu'il choisissait le cheval circassien avec lequel il avait déjà escorté dans la journée les voitures du roi et de la reine. « Il a déjà été monté, monsieur, » dirent-ils. « Pardieu, répliqua le page, je le sais mieux que personne, il a failli me tuer. Nous verrons, au clair de la lune, si le drôle est plus traitable. Dépêchons. » Henri de M monta hardiment le cheval qu'on lui avait amené dans la cour des petites écuries. Il traversa la place d'Armes, gagna la rue des Réservoirs, le boulevard du Roi et la porte Saint-Antoine. Là, se trouvant sur la route de Versailles à Saint-Germain-en-Laye, il prit le galop, le cœur et la tête battant la campagne, et deux lettres dans la poche de son habit boutonné.